L'horreur était dans cette femme et se combinait avec la grâce. Rien de plus tragique. On sentait la griffe, on sentait le velours. Sa robe se refermait puis se rouvrait. Rien de charmant comme ce sein plein de cris sauvages. Les rayons de son œil bleu se mêlaient au flambement de son œil noir. Elle était surnaturelle. Gwynplaine, défaillant, se sentait vaincu par la pénétration profonde d'une telle approche. « Je t'aime » cria-t-elle. Et elle le mordit d'un baiser. Pour Gwynplaine, c'était exquis et fulgurant. Il sentait, devant cette femme pleine d'énigmes, tout s'évanouir en lui. Le souvenir de Dea se débattait dans cette ombre avec de petits cris. Est-ce qu'il allait tomber? Elle répéta « Je t'aime !» Et frénétique, elle l'étreignit contre sa poitrine. Tout à coup, tout près d'eux, une petite sonnerie ferme et claire vibra. « Qu'est-ce qu'elle me veut ?» Brusquement apparut une lettre sur une assiette d'or. Gwynplaine put distinguer sur l'enveloppe « À sa grâce, la duchesse Josiane !» Les deux plis qu'avait contenu l'enveloppe étaient un parchemin et un vélin. Laissant de côté le parchemin, elle en trouvait le vélin. « C'est l'écriture de ma sœur. Sais-tu lire ?» Gwynplaine fit de la tête signe que oui. « Eh bien, Gwynplaine, tu es à moi. Commence ton service. Lis-moi ce que m'écrit la reine. » « Madame, nous vous envoyons gracieusement la copie ci-jointe d'un procès-verbal duquel il résulte que le fils légitime de Lord Linnaeus Clan Charlie vient d'être constaté et retrouvé sous le nom de Gwynplaine et sera, ce jour-là même, admis et réintégré dans la chambre des lords. C'est pourquoi nous le substituons dans vos bonnes grâces à Lord David d'Irimior. Nous commandons et voulons, comme reine et sœur, que notre dit Lord Fermain Clan Charlie, nommé jusqu'à ce jour Gwynplaine, soit votre mari, et vous l'épouserez, et c'est notre plaisir royal. » Elle ramassa à terre le parchemin qu'elle avait jeté. C'était la déclaration des naufragés de la Matutina. « Puisque vous êtes mon mari, sortez. Vous n'avez pas le droit d'être ici. C'est la place de mon amant. » Et elle sortit.